Cherche la recette, pas les paillettes, c'est vrai cahier, bon cahier, je voulais un Cayenne, je reviendrai toujours sur une Marseille comme paillettes. Ceux qui nous baissent sont pas nés, mes frères sont pas nets. On investit dans Gueudreau, envahit les maisons d'arrêt. La rue c'est comme la fumette, c'est demain que t'arrêtes d'avoir son VIP en enfer. C'est pas carré, je pense aux frères qu'on enterre et qu'ils faisaient pas le carré. Nos darons nous allaitent et touchent les allocs, on veut des gros salaires, on n'est pas des salopes, on peut te monter en l'air. C'est pas que des paroles, on n'est pas que violent, des R5 des canons. Ici c'est réel, faut un midi minuit pour sa paire de TN. L'espoir est mort, à peine 13 ans, ils ont ton ADN. Phase de polia, dans l'estomac, accroche la dounia, l'enfer c'est pas le sauna. Faire des solias, c'est passionnant, l'amour chez nous, c'est donnant donnant. Prendre des peines de violeurs pour de la résine, c'est normal que les frères perdent de la raison. Ça sort plus le calibre que ça sort de prison, il pleut des balles, peu importe la saison, peu fra. Wesh, Higo, Higo, j'ai besoin de prendre l'air. Higo, posé en bas du bloc, j'gambèche. Bigo, éteint, je réponds à son père. J'ai plus comment faire. J'ai plus plus d'envers. J'ai plus comment faire. J'ai plus plus d'envers. J'ai plus cœur de la pugueule qu'on essaye de viser. Fini ton terre et rentre, il se fait tard. Ce qui nous fait croire que la vie est belle, c'est ce mélange dans la vitelle. Vengeance est crue qu'il l'aurait cru, que ça peut s'allumer pour une brune. Ton meurtrier peut se lever le matin, boire son fréquent normal et sans chagrin. Petite beauté, yeux clairs et cheveux châtains. Si demain je coule, est-ce que tu t'échappes? Tu voulais Chanel, je voulais ta chambre. Donc je t'ai charmé, t'as pas eu ton sac. On prend des risques, on en a conscience. Fonce des 6 du mat, à contresens. Je suis au fond de la boîte, je veux pas qu'on crame ma tête. Je suis en fond de 6ème jusqu'à je crame la boîte. Je me suis senti si seul, face au problème. Je me suis senti si bien d'avoir besoin de personne. Dans ma tête, c'est flou, dans la haine, c'était où? Tout me dégoûte, mais je reste debout. Tu peux bosser les biceps, les triceps, les épaules. Une balle dans la colonne et fin de l'épisode. C'est le terre-terre qui me valide, essaye pas de nous salir. C'est réel et mortel, j'ai la haine, c'est de la faute à Saïd. Wesh, Higo, Higo, j'ai besoin de prendre l'air. Higo, posé en bas du bloc, j'gambèche. Bigo, éteint, je réponds à son père. J'ai plus.